Ce roman va vous surprendre. 2025, une mystérieuse épidémie décime 90% des hommes. Du Canada à la Chine, de l'Écosse aux Philippines, les femmes du monde entier sont forcées de s'élever et réagir. Comment reconstruire sa vie quand on perd mari, père, fils? Comment créer un monde nouveau? C'est ce qu'explore La fin des hommes, roman visionnaire écrit en 2018 par Christina Sweeney Baird. La fin des hommes, un roman émouvant, haletant et vibrant d'humanité. Aux éditions Gallmeister. Northanger Abbey est le premier roman complet écrit par Jane Austen à la fin des années 1790. Et c'est aussi l'un des moins connus aujourd'hui. Pourtant, quand nous avons proposé à Frédéric Auger de venir participer à cette émission, il nous a immédiatement proposé ce texte, Northanger Abbey, sorte de parodie gothique des romans sentimentaux ou de parodie sentimentale des romans gothiques, on verra. On y croise de longues robes, des salles de danse, une héroïne qui passe son temps à lire, et donc en préfigure bien d'autres, des promenades à la campagne, mais aussi un manoir hanté avec la possibilité d'y croiser un vampire, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes qui expliquent aux femmes ce qu'elles doivent dire et penser. Tasse de thé, manoir hanté et mansplaining, c'est le programme du jour. Ma chère Miss Austen, permettez-moi de monopoliser votre attention sans vergogne jusqu'à la fin du dîner. Je me demande tout de même si c'est très bon pour une jeune fille de lire des romans en si grand nombre. Je ne connais pas de passe-temps plus innocent que la lecture. Oui, je suppose que vous ne lisez pas de romans. C'est écrit dans un de tes livres. Si c'est ce que tu as compris, je pense que tu devrais le relire. Du Jane Austen 24 heures sur 24. C'est un parfait antidote. Contre quoi? La vie! Ce livre est le plus choquant et le plus honteux qu'on ait jamais écrit. Je me demande finalement s'il est bon pour une jeune fille de lire des romans en si grand nombre. Bonjour Frédéric Auger. Bonjour Adèle Vendrette. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur de littérature et d'histoire de l'art britannique à l'université Paris-Cité. Vous travaillez et publiez autour du 18e siècle. Et donc quand on vous a proposé de venir participer à cette émission, vous avez proposé immédiatement Northanger Abbey. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Parce que, effectivement, comme vous l'avez dit en préambule, c'est un des textes les moins connus de Jane Austen, l'un des moins adaptés aussi, par aussi bien Hollywood que les Heritage Films. Pour moi, c'est un texte très intéressant et très important, parce que, n'ayant pu le publier, à la fin des années 1790, lorsqu'il avait été écrit, il a été acheté par un éditeur londonien, mais celui-ci a refusé de le publier, de l'imprimer. Mais il l'a gardé pendant assez longtemps. Jane Austen a essayé de le récupérer, mais n'a pas pu récupérer le manuscrit. Elle a fini quand même, en rachetant au même prix ce manuscrit, par récupérer le texte et elle l'a retravaillé. Elle en a changé le titre. À l'origine, c'était « Susan ». C'est devenu, alors elle a changé le titre de l'héroïne, Catherine Morland. Le nom de l'héroïne, ouais. Le nom de l'héroïne, titre qu'elle souhaitait donner au roman. Elle l'a retravaillé beaucoup, puis elle est décédée, très jeune. Et c'est donc son frère qui a publié ce texte de façon posthume et qui en a changé le titre. Et donc, ça s'intitule maintenant Northanger Abbey. Il a sans doute pensé que dans la mode et la veine des romans gothiques, ça attirerait plus l'attention que Catherine Morland. Mais si on a l'occasion, on reviendra sur cette onomastique, ce choix de Morland et ce choix de Northanger. Bah, dites-nous tout de suite. Alors, en fait, ce texte est passionnant parce que précisément Jane Austen l'a écrit avant d'écrire tous les autres grands romans. C'est son premier texte achevé, comme vous l'avez dit. Et elle le retravaille et en fait c'est une sorte de carnet de croquis pour elle. C'est un document de travail sur lequel elle revient, qu'elle retravaille. On n'a pas évidemment toutes les traces de ces réécritures, mais on voit bien qu'il y a des choses qui rentrent dedans au fur et à mesure. Et le texte final, qui est imparfait bien sûr, mais est passionnant de ces repentirs, de ces choses que l'on trouve entre les lignes. Et il me semble surtout que Jane Austen prend, en faisant cette décision d'écriture, elle prend une décision sur ce que sera sa fiction ultérieure. À l'époque où elle écrit ça, à la fin des années 1790, il y a en fait deux modèles d'écriture féminine qui s'imposent à elle. Mmh. La première, c'est évidemment Anne Radcliffe et les romans gothiques, qui ont un succès considérable. Et donc, elle est évidemment amusée et tentée d'écrire le même genre de texte. Et puis, il y a, à l'autre bout du spectre, Mary Wollstonecraft, que vous avez évoqué lundi, qui, elle... Redites-nous, quand même. Tous les auditeurs n'ont pas entendu l'émission de lundi. Qui, donc, a écrit un peu de fiction elle-même aussi, mais elle a surtout écrit un texte passionnant qui est une défense des droits de la femme. En 1792, au retour de son séjour à Paris pendant la Révolution française, et qui est un des textes féministes les plus importants, contemporains des travaux d'Olympe de Gouges. Et Mary Wollstonecraft s'engage donc directement dans le débat politique public, qui est une sphère réservée aux hommes. Mmh. Ça lui coûtera très cher dans sa vie personnelle. Elle sera vilipendée, critiquée. Les textes qu'elle publie anonymement ont du succès, et dès qu'elle indique que c'est elle qui les a écrits, elle est très critiquée par la presse masculine. Donc Jane Austen se retrouve en fait face à ces deux modèles d'écriture qu'elle connaît. Et je pense que, alors c'est de la conjecture, mais on peut imaginer qu'elle trouve dans ces deux modèles d'écriture des problèmes, ou en tout cas des difficultés pour elle, parce qu'elle a envie d'interroger les mêmes questions, c'est-à-dire finalement les relations entre les sexes qui sont particulièrement nauséeuses à la fin du XVIIIe siècle entre les hommes et les femmes, mais elle refuse l'échappatoire du gothique qui consiste à transposer tout ça dans une sorte d'Europe du Sud médiévale, latine, catholique, mais où en fait on reconnaît bien l'Angleterre, mais disons que ça décharge la critique. Et elle pense que l'entrée directe sur le terrain politique par des pamphlets, d'abord je pense qu'elle n'aurait pas eu la possibilité ou accès à ce genre, vu son contexte familial, à ce type de publication, et je pense qu'elle en mesure à la fois la violence et le danger. Et donc ce qu'elle va choisir de faire finalement, c'est d'écrire de la fiction qui pose des problèmes vraiment importants concernant les droits de la femme, mais dans une Angleterre contemporaine parfaitement reconnaissable et donc non transposée dans un univers gothique. Mais avant de faire ça, elle montre qu'elle aurait pu écrire un roman gothique. Northanger Abbey, c'est vraiment ça. Mmh. Et elle y démonte, elle y déconstruit tous les ingrédients du roman gothique. Et c'est vrai qu'elle aurait pu en écrire parce que c'est magnifiquement fait. En plus, c'est très drôle, précisément parce que c'est au deuxième degré. Ouais. Et à l'intérieur du genre du gothique, elle déplace un petit peu le curseur pour montrer qu'en fait, c'est pas dans la parodie du gothique que se trouve le gothique le plus inquiétant, mais c'est dans sa représentation de l'Angleterre contemporaine. La première moitié du roman se passe à Bath, qui est l'endroit où toute l'aristocratie londonienne se déplace l'été pour prendre les eaux et passer la saison, comme un peu nos saisons de festival. Donc c'est vraiment le summum de la civilisation. L'Angleterre est devenue, le Royaume-Uni est devenu la plus grande nation commerciale. La richesse percole à tous les niveaux. Et donc Bath, c'est le centre du monde. Et à cet endroit-là, elle décrit des relations, et le roman commence par ça, qui sont d'une violence pour une jeune fille dont l'intérêt, c'est que c'est une page blanche. Elle n'a pas d'expérience, elle vient d'une famille qui n'est pas mondaine. Ça, c'est Catherine, hein? C'est Catherine. L'héroïne. Et donc, je reviens à ce qu'on évoquait au départ, mais les deux termes de Moreland et Northanger. Moreland, en anglais, ça veut dire plus de terrain. Moreland. Moreland. Vous avez évoqué lundi Norland, qui est cette absence, cette privation de terre qui frappe les sœurs Dashwood et la famille Dashwood au début de Raison et Sentiment. Ici, c'est Moreland, c'est-à-dire une revendication d'un territoire plus large pour une jeune fille, pour une jeune femme. Et puis, pourquoi Northanger? Alors, on peut s'interroger, on n'en sait rien, mais Northanger, ça veut quand même dire « colère du Nord ». Ouais. Et on pourrait se demander s'il n'y a pas là la volonté de dire que le gothique ne se trouve pas nécessairement uniquement dans le sud catholique, latin et médiéval, mais que peut-être on le trouve dans les comtés d'Angleterre du Nord, et que ce gothique-là provoque une colère sourde que, me semble-t-il, ce roman et le suivant, Sense and Sensibility, donc Raison et Sentiment, exprime. Cette colère, on la trouve vraiment entre les lignes. Ça veut dire que ce roman est à la fois parodique et critique. Oui, parodique, critique, et comme une sorte de terrain préparatoire à ce que sera sa fiction plus construite, plus épurée par la suite. Il y a une vraie réflexion sur la littérature, c'est vrai, dans le roman. Il y a une réflexion, et c'est pas anodin que l'intrigue principale soit liée au fait que notre jeune héroïne, prétendument naïve, passe son temps à lire des romans. Et donc il y a une réflexion sur ce que c'est que des romans, qu'est-ce que c'est que la littérature. Et on voit bien que Jane Austen ne critique pas du tout ni les mystères du Dolph, les romans gothiques, ni les romans sentimentaux de Fanny Burney. Elle critique évidemment les gens qui appliqueraient à la lettre ou chercheraient dans le réel des équivalents de leur modèle ou leur héros de fiction. Et la société dans laquelle elle vit. Et la société dans laquelle elle vit. Très vivement. Alors on va faire connaissance avec ce personnage de Catherine Morland dès le début du texte. Vous allez entendre ce portrait, vous parlez de la violence qu'on trouve dès le début du texte, on se demande si quand même la violence ne s'exerce pas en premier envers cette héroïne qui semble être une anti-héroïne, ses parents ne savent pas trop quoi faire d'elle, on ne sait pas si elle est belle ou pas, enfin bref, on est loin de la jeune fille parfaite qui s'apprête à vivre de grandes histoires d'amour. I baptize thee, Catherine, in the name of the Father and the Son. No one who had ever seen Catherine Morland in her infancy would have supposed her born to be a heroine. Her situation in life, the character of her father and mother, and her own person and disposition were all equally against her. Personne ayant vu Catherine Morland dans son enfance ne l'aurait supposée née pour être une héroïne. Sa situation dans le monde, le caractère de ses parents, sa propre personne et ses aptitudes, rien ne l'y prédestinait. Bien que clergyman, son père n'était ni méprisé ni misérable. C'était un excellent homme, bien qu'il s'appelât Richard et qu'il n'eût jamais été beau. Il avait une fortune personnelle, outre deux bons bénéfices, et il ne prétendait pas le moins du monde tenir ses filles sous clé. Madame Morland était une femme de grand sens, de bon caractère et, ce qui est plus remarquable, de bonne constitution. Elle avait eu trois fils avant la naissance de Catherine, et au lieu de trépasser en mettant celle-ci au monde, comme on devait s'y attendre, elle avait vécu encore, vécu pour avoir six enfants de plus, pour les voir grandir autour d'elle et pour jouir elle-même d'une florissante santé. Une famille de 10 enfants peut toujours être dite une belle famille quand il y a assez de têtes, de bras et de jambes pour tous, mais les Morland n'avaient guère d'autre titre à cette épithète, car ils étaient en général fort ordinaires. Et Catherine, plusieurs années de sa vie, fut aussi ordinaire qu'aucun d'eux. Elle était maigre et mal équarrie, avait la peau blême, de noirs cheveux plats et de gros traits. Non plus que sa personne, son esprit ne la marquait pour la fonction d'héroïne. Elle raffolait de tous les jeux des garçons et préférait de beaucoup le criquet, non seulement aux poupées, mais aux plus poétiques jeux de l'enfance. Élever une marmotte ou un canari, arroser un rosier. En effet, elle n'avait nul goût pour les jardins, et si elle cueillait des fleurs, c'était principalement pour le plaisir de méfaire. Tels étaient ses goûts. Ses aptitudes étaient non moins extraordinaires. Elle n'apprenait ou ne comprenait rien avant qu'on le lui eût enseigné, ni même après quelquefois, car elle était inattentive souvent et volontiers stupide. Les chemins de la philosophie, France Culture, Adèle Van Rett. Et on parle de Jane Austen cette semaine, ce matin, du roman Northanger Abbey, dont on vient d'entendre le début, l'incipit, hein, Frédéric Auger. Quelle charge extraordinaire! Pourquoi une telle violence envers son propre personnage de la part de Jane Austen? Oui, ce début est formidable, comme tous les débuts de Jane Austen d'ailleurs. Oui. Ce qui est très frappant dans ce roman, c'est qu'il commence par le mot « no »,« no one », »,« personne ». Et le dernier mot du roman, c'est « disobedience », »,« désobéissance ». Et on voit que on est clairement ici dans un contexte de rébellion, c'est-à-dire qu'en fait, Jane Austen montre dès le départ qu'elle refuse les filtres habituels de la fiction sentimentale ou de la fiction gothique, qui consiste à faire de l'héroïne soit quelqu'un d'absolument parfait, ce qui est le cas de Émilie Saint-Aubert, par exemple, dans Les Mystères du Dolph. Dan Radcliffe, soit d'en faire quelqu'un qui vient, ce qu'on retrouvera plus tard dans le 19e siècle, hein, chez Dickens ou chez les Brontë, quelqu'un qui est dans une famille tragique où il se passe des choses affreuses et qui donc a toutes les raisons de vouloir en sortir. C'est un petit peu ce que Vladimir Propp interrogeait dans la morphologie du conte, c'est-à-dire que on part toujours d'une sorte de problème de départ et que la fiction, le roman, est là pour remettre à l'endroit. Le prince se fait expulser du royaume, la princesse est victime de quelque chose de très grave, et pendant 300 pages, on essaye de remettre ça à l'envers et à l'endroit. Oui. Et à la fin du roman, on met ça à l'endroit. Jane Austen, d'entrée de jeu, refuse ce scénario et dit « Mon héroïne, c'est vous et moi ». C'est-à-dire des gens ordinaires. Enfin, laids, bêtes, inutiles, ordinaires. Oui, bon, c'est vrai que la charge est sévère, mais clairement, elle veut retirer tous les filtres, toutes les fausses couleurs de la fiction, et elle veut partir de quelqu'un qui va n'avoir aucune raison de chercher à être une héroïne. Donc elle va traverser cette fiction, elle va faire sa propre traversée dans l'univers qu'elle va voir, à Bath d'abord, à Northanger Abbey ensuite, avec des yeux ordinaires. Enfin, ordinaires au sens de non filtrés par un environnement gothique, sentimental, familial, qui en ferait quelqu'un d'exceptionnel. Bah, à titre d'exemple, plutôt de contre-exemple, voici comment Anne Radcliffe justement décrit son héroïne Émilie Saint-Aubert dans Les Mystères du Dolph. Émilie Saint-Aubert ressemblait à sa mère, elle avait sa taille élégante, ses traits délicats, elle avait comme elle des yeux bleus, tendres et doux, mais quelque beau que fussent ses traits, c'était surtout l'expression de sa physionomie, mobile comme les objets dont elle était affectée, qui donnait à sa figure un charme irrésistible. Évidemment, ça continue à les cultiver, oui. Elle connaît tout, elle sait tout, oui. C'est le prototype de l'héroïne parfaite. Absolument, oui, oui. Et donc, elle le reste d'un bout à l'autre. Voilà. Ce qui d'ailleurs lui retire une crédibilité, parce que il n'y a aucune évolution psychologique des personnages dans les romans gothiques. Il y a les bons et les mauvais qui s'entrechoquent, mais même si ça dure 700 ou 800 pages, et c'est d'ailleurs magnifiquement écrit, hein, l'écriture d'Anne Radcliffe est splendide, mais malgré tout, on constate à la fin que, d'ailleurs, tout se résout dans la dernière page où Anne Radcliffe explique que finalement, il n'y avait aucun problème, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Et donc, il n'y a pas de progression psychologique. Et on sent que, justement, Jane Austen, d'entrée de jeu, dit « Ben moi, mon héroïne, elle a de la marge de progression. Elle va apprendre et, évidemment, elle est véhicule pour le lecteur. C'est-à-dire que le lecteur va apprendre avec elle. » Donc, il y a une identification avec ce qu'on pourrait appeler une anti-héroïne, au fond. Une anti-héroïne dans la peau de laquelle tout lecteur va pouvoir aussi se glisser. Non pas pour échapper à son réel, mais au contraire pour voyager avec elle au sein du réel. Alors justement, on va voyager avec elle à bord d'une calèche conduite par un homme qui a décidé de tenir les rênes dans tous les sens du terme. C'est parti. Comes very nice, that ship. Smooth as silk. How do you do, sir? Scoundrel! Oh, Miss Tilney! Arrêtez-vous! J'ai vu Miss Tilney, son frère! Arrêtez-vous! On n'arrête pas un cheval au trot comme ça, ma chère! Arrêtez, monsieur! C'est trop tard! Je veux descendre! C'est impossible! Waouh! Attention! Comment avez-vous osé me mentir? Comment osez-vous m'en vouloir? Vous préférez être dans une belle calèche en route vers un magnifique château ou en train de patauger dans la boue avec un pasteur ennuyeux à mourir? Monsieur Tilney est loin d'être ennuyeux à mourir. Et à cause de vous, il va penser que c'est moi qui ne tiens pas mes promesses. Oh, tout doux. Attendez. Miss Morland, j'admets que je ne vous ai peut-être pas dit toute la vérité, mais j'avais de bonnes raisons. J'ai pensé avant tout à votre frère et à Isabella. Ils ne pouvaient sortir sans chaperon, voyons. Et je vous avoue que j'ai aussi pensé à vous. Ça ne me plaît pas tellement de vous voir avec les Tilney. Toute la famille a mauvaise réputation. La mère est morte dans des circonstances étranges. Mais monsieur Tilney et sa sœur se sont montrés si gentils avec moi. Dites-leur que c'est une simple erreur, ils comprendront. En attendant, essayons de profiter de cette journée, que diable. Je me faisais une joie de vous conduire dans ma calèche, alors je mérite au moins un sourire. Très bien, allons-y. Oh! Qu'y a-t-il, John? Tout va bien? À merveille! On repart! En arrivant à Bath, Catherine a fait la connaissance de Henry Tilney et de sa sœur Eleanor. Et elle se lie d'amitié pour l'un comme pour l'autre, un peu plus que d'amitié sans doute pour Henry, mais on est encore au début, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais son ami John Thorpe, par jalousie, décide de l'emmener ailleurs et de faire en sorte que Catherine ne puisse pas se rendre au rendez-vous avec Henry et Eleanor pour aller se promener dans la campagne anglaise. Ils sont à bord donc de cette calèche et ils décident de ne pas s'arrêter lorsqu'ils croisent Henry et Eleanor et donc de ravir au sens d'un ravissement hein, de cette héroïne. Ça peut paraître anecdotique finalement dans les films de cette époque et dans les livres de cette époque, on voit beaucoup ce genre de scène, mais pour vous Frédéric Auger, vous dites que c'est bien plus que cela. Oui, cette scène est très troublante. Je la trouve d'une violence rare, brève, mais alors rappelons pour compléter le contexte que John Thorpe a attiré Catherine en lui faisant la promesse d'aller voir un château gothique. Et évidemment, comme elle est encore férue de ses lectures de romans gothiques, elle est très attirée par ça, mais tiraillée évidemment par le fait qu'elle a un engagement avec les Tilney en même temps. Oui. Les Tilney étant en retard, elle se laisse convaincre d'aller voir ce château qui, incidemment, s'appelle Blaze Castle. Blaze, ça veut dire le feu, hein, la flamme, flamme à laquelle elle va se brûler. Et en fait, la scène à laquelle on vient d'assister, qui se passe dans un carrosse, et j'y reviendrai parce qu'il y a une autre scène gothique du même genre à l'autre bout du roman, qui se termine par un carrosse aussi. Mm-hmm. Elle est ici donc ravie par John Thorpe, qui l'emmène dans ce phaéton, dans ce petit carrosse à deux places, hein, et qui ne fait que des bruits d'animaux et ne s'occupe que de ses chevaux. Et elle a beau lui dire d'arrêter, qu'elle veut descendre, qu'elle ne veut plus, qu'elle ne veut pas. Il continue, il a un rire animal, nous dit Jane Austen, épouvantable. Il fait craquer son fouet et il refuse de s'arrêter. Et Jane Austen écrit, Catherine, après avoir tenté plusieurs fois de lui dire d'arrêter, n'eut plus qu'une seule solution, c'est de se soumettre. Et donc, il me semble qu'on a vraiment affaire là à une sorte de viol. Viol, évidemment, de son souhait de s'arrêter, de descendre, mais au-delà de ça, un viol lié à un contexte de ravissement où, finalement, la jeune femme est obligée d'accepter ce que l'homme violemment lui impose. Et pour moi, ça n'est pas autre chose qu'un viol. Et donc, c'est intéressant parce qu'on est ici à Bath, au cœur de la civilisation la plus polie, la plus polissée, la plus on parle beaucoup de vêtements, de mode, on est vraiment à l'avant-garde de tout ce qui se fait de mieux. Et donc, dans cette Angleterre qui se veut la plus belle, la plus prospère nation du monde, on trouve, avant même qu'on ait avancé plus loin dans le roman, un personnage qui est éminemment gothique, qui est horrible. Alors finalement, gothique, ça veut dire horrible, là ? Ben, dans ce sens-là, c'est-à-dire finalement, c'est un monstre qui menace la jeune fille. Or, c'est ça l'archétype du roman gothique. C'est une jeune fille que l'on enferme pendant plusieurs centaines de pages avec des bruits et des hommes qui font des choses bizarres au loin et qu'on entend et qui sont très menaçants. Sauf qu'ici, on a les bruits, on a la menace, mais la menace est mise à exécution. Et donc, on a une scène d'une grande violence. Et à l'autre bout du roman, on croise un autre personnage parfaitement anglais et gothique, le général Tilney, le père de Henry, de son amoureux, qu'il a invité à Northanger Abbey, pensant que c'était une jeune fille à marier qui avait une dot importante. Et lorsqu'il découvre, ou en tout cas lorsque John Thorpe lui fait croire que en fait elle n'a pas d'argent du tout et que c'est une pauvre et que ses parents n'ont aucun intérêt, on revient à la première page du roman, c'est une fille très ordinaire comme ses parents et sa famille, ils n'ont aucun intérêt. Le général Tilney, dans la minute, lui dit « Tu prends tes affaires et tu t'en vas. » Et c'est le milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, il pleut. Et donc la voilà à 17 ans, mise dans un carrosse pour retourner chez ses parents. Et elle ne comprend pas ce qu'elle a fait. Elle ne comprend pas, parce qu'elle ne sait pas que c'est pour cette raison. Donc elle ne comprend pas. Si, elle croit qu'elle est responsable de ça, parce qu'elle a émis des hypothèses. Voilà, elle a pensé qu'il avait peut-être assassiné sa femme. C'est ça. Et que peut-être c'est ça qu'il lui reproche. Mais en fait, depuis, ses yeux ont été dessillés. Elle sait que ce n'est pas ce qu'il a fait. Donc, il y a eu un moment où on s'est dit, ah ben non, le général Tilney n'est pas un monstre gothique. Et voilà qu'il se comporte de façon totalement inattendue. Mmh. Il se comporte avec une violence et une méchanceté qui montre que là encore, c'est pas la peine d'aller dans le sud de l'Europe au XVe siècle pour trouver des comportements réellement gothiques. Alors, avant de la rejoindre dans le château et d'entendre une sorte de parodie, sans doute, de scène gothique, pour préciser les choses, parce que vous avez parlé de cette scène avec John Thorpe en la qualifiant de viol, hein, il faut dire que lorsque Catherine rencontre Henry au tout début, le lecteur ne sait pas trop quoi penser. C'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté, on ne sait pas si Henry, qui a l'air très élégant, très raffiné, se moque de Catherine, parce que quand même la narratrice fait tout pour qu'on ne la prenne pas vraiment au sérieux au début, ou si au contraire il est sincèrement épris de ce personnage. Et c'est là, je crois, que réside tout l'intérêt aussi de ce roman, c'est dans cette ambiguïté. On a peur pour Catherine, on se dit mais c'est évident qu'elle va se faire avoir, parce qu'il a tellement été précisé que vraiment elle n'était pas... C'était pas une lumière. Et en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Donc, ça veut dire que dans ce roman, Jane Austen est aussi capable de cette sens de la nuance. Oui. Et alors là encore, vous évoquez ce premier dialogue avec Henry Tilney qui est assez extraordinaire aussi. Alors, je dois être un petit peu obsédé, mais j'y vois également une forme de viol. Parce qu'il parle d'étoffe, il lui touche sa robe, c'est ça ? Il y a ça, mais surtout, il lui dit « Je sais comment vous allez me décrire dans votre journal intime. » Et donc, en fait, c'est comme s'il savait ce qu'il y a dans son journal intime et qu'il avait pré-violé son intimité. Et elle a beau lui dire qu'en fait, elle ne tient pas de journal intime et que donc, de toute façon, elle n'aurait pas écrit ça. Lui n'y croit pas 5 minutes. Il dit, comme tu es une jeune fille un peu sotte comme toutes les jeunes filles, tu as forcément un journal intime dans lequel tu écris « J'ai rencontré un homme formidable », etc. Et donc, il écrit à sa place dans son journal intime qu'elle n'écrit elle-même pas. Et donc, là encore, il y a une forme de viol de l'intime, de l'intimité, que je trouve d'une violence extraordinaire. Donc, en fait, tous les hommes sont violents dans ce roman. Les hommes ne sont pas très folichons. Hein, donc, est-ce que ça change dans les autres textes de Jane Austen? Je suis en train de me demander, est-ce que les hommes s'en sortent mieux? Ben, vous avez évoqué dans Raison et Sentiments, on en avait parlé il y a une dizaine d'années. C'est vrai, à ce même micro, il y a 10 ans. Ce qui arrive à Marianne Dashwood, hein, elle a le choix entre un magnifique héros romantique qui la sauve dans la nature et qui est beau, qui lit les mêmes poèmes qu'elle, etc., mais qui est un coureur de jupons et de dot, ou bien d'épouser un bonnet de nuit, le colonel Brandon, qui est beaucoup plus âgé, qui a la tête un peu dégarnie et qui est très gentil, hein. La question n'est pas là, mais elle l'épouse à la fin parce que tout le monde avait dit que c'était ce qu'il y avait de mieux pour elle. Elle s'y résout, mais on va pas croire 5 minutes qu'elle en sera heureuse. Donc il y a pas beaucoup de une forme de résignation. Flatteur d'homme. Ben pas beaucoup. Même Darcy. Le fameux. Je sais pas si on a envie de l'épouser, hein. Non, ben c'est ça, hein. Si peut-être pour Pemberley, parce que ça doit être une très belle. Pour le beau château. Mais... Et le bassin dans lequel on a envie de plonger. Oui. Visitons Northanger Abbey aux côtés de Catherine. Elle passe sa première nuit dans cette abbaye. Elle a été conduite par Henry, qui donc réside là-bas. Et on se dit, il y a une espèce de coffre dans sa chambre. On sent les mystères. Il lui fait croire qu'il y a peut-être des vampires qui se baladent. Elle s'attend donc au pire. Voici ce qui se passe. Now, look there. It's exactly as I imagined. It's just like what we read about. Are you prepared to encounter all of its horrors? Horrors? Is Northanger haunted then? Well, that's just the least of it. Dungeons and sliding panels, skeletons, strange, unearthly cries in the night that pierce your very soul. Et des vampires? J'espère qu'il n'y a pas de vampires. Je suis capable de tout supporter sauf les vampires. Miss Morland, j'ai l'impression que c'est à vous de me taquiner. Non, disons simplement que toutes les maisons ont leurs secrets, et la nôtre ne fait pas exception à la règle. La nuit fut orageuse. Durant l'après-midi, le vent avait soufflé par intervalles. À l'heure où se séparèrent les Tilney et Catherine, il ventait et pleuvait avec violence. Comme elle traversait le vestibule, elle entendit le bruit des bourrasques et devint attentive. Au lointain des bâtiments, une porte claqua. Catherine, pour la première fois, sentit qu'elle était dans une abbaye. Oui, c'étaient là les bruits caractéristiques. Ils évoquèrent profusément à sa mémoire telle situation terrible, telle scène d'horreur dont tant d'édifices de cette sorte avaient été les témoins et qui avaient eu des tempêtes pareilles pour avant-courrières. Elle n'avait rien à craindre, elle, des assassins de la 12e heure ou des galants ivres. Dans une maison si habitée, quel danger pouvait-elle courir? Comme dans sa propre chambre de Fullerton, elle entrerait dans sa chambre de Northanger, qui, détail rassurant, était à deux portes de celle de Mademoiselle Tilney. Ainsi, elle raffermissait son âme et gravissait l'escalier. Ce fut d'un cœur assez ferme qu'elle pénétra dans sa chambre, où la flamme joyeuse d'un feu de bois lui fut un nouveau réconfort. Elle alla vers la cheminée. Elle eut un regard circulaire. Les rideaux des fenêtres semblaient remués. Sans doute, le vent pénétrait par les interstices des volets. Hardie et fredonnant un air, elle alla s'en assurer. Elle entrebâilla les rideaux, ne remarqua rien, mit la main contre le volet intérieur et constata que le vent s'insinuait. Un coup d'œil au coffre, comme elle revenait sur ses pas, et elle se railla des craintes de son imagination désœuvrée. Puis elle commença, en une indifférence heureuse, à faire sa toilette de nuit. Alors voilà, Frédéric Auger, on s'attend à croiser un fantôme, un vampire, se donnant la main et se jetant sur notre héroïne. Et finalement, le texte termine en disant qu'elle commence, hein, en une indifférence heureuse, à faire sa toilette de nuit. Retour à l'ordinaire. Retour à l'ordinaire, mais il y a au milieu du passage qui vient d'être lu, une question qui semble rhétorique, mais qui est peut-être pas aussi rhétorique que ça, lorsque Jane Austen écrit « Dans une maison si habitée, quel danger pouvait-elle courir ?» Et on est là justement sur la ligne de crête entre le gothique de la littérature, et là effectivement, elle ne court aucun danger, et le gothique de la vie ordinaire d'une jeune fille à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, où là il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter. Mmh. Et l'ironie de Jane Austen se glisse là, entre ces deux réalités, celle de l'imaginaire, où effectivement on rigole de ces portes qui grincent, de ce vent qui souffle, et le passage continue. Hein, c'est un chapitre entier qui est une merveilleuse parodie du roman gothique. Jane Austen s'amuse à y mettre tous les ingrédients nécessaires. Et surtout, le passage, le chapitre se termine par la découverte d'une sorte de petite commode qu'elle a évidemment du mal à ouvrir, qu'elle n'avait pas repérée avant, à l'intérieur de laquelle il y a des tiroirs. Donc elle essaye d'ouvrir chacun des tiroirs et évidemment elle y parvient mais elle ne trouve rien, sauf que à l'intérieur d'un tiroir elle trouve un autre tiroir qu'elle a beaucoup de mal à ouvrir et dans lequel elle finit par arriver à attraper une sorte de parchemin mystérieux, et juste à ce moment-là, le vent souffle de façon très fort, éteint sa bougie, le feu a déjà été éteint, et donc elle est terrorisée par ce qu'elle vient de trouver, et elle se glisse dans son lit et elle s'endort. Et puis, le début du chapitre suivant débute par « Catherine ouvrit les yeux ». Et en fait, toute la suite, c'est une sorte de dessillement. C'est-à-dire qu'elle se rend compte que le fameux manuscrit médiéval parchemin dans lequel certainement un meurtre serait indiqué n'est qu'une note de blanchisserie dans laquelle il y a une liste de caleçons, chemises et autres torchons. Et donc c'est évidemment très très décevant. À nouveau, Jane Austen s'amuse. Mais la phrase importante, c'est que Catherine ouvre les yeux. Oui. C'est-à-dire qu'elle va voir beaucoup mieux où se trouve le vrai gothique, non pas dans son imaginaire, non pas dans les portes qui grincent dans son cerveau, mais au contraire dans cette maison où elle va se faire éjecter, de laquelle elle va se faire éjecter par le général Tilney quelques pages plus loin. Et si vous m'en donnez la possibilité, je voudrais lire justement le passage en miroir où on retrouve Catherine, seule, dans sa chambre. Elle vient d'avoir cette injonction du général Tilney de prendre ses affaires et de partir. Et voilà ce que Jane Austen écrit. « Tristement s'écoula la nuit. Le sommeil, ou le repos qui méritait le nom de sommeil, était hors de question. Cette chambre, où son imagination troublée l'avait tourmentée à sa première arrivée, était de nouveau le théâtre d'esprits agités et de sommeils inquiets. Pourtant, combien différente maintenant la source de son inquiétude, de ce qu'elle avait été alors, combien tristement supérieure en réalité et en substance. Point d'exclamation. Cette fois, son inquiétude était fondée sur des faits, ses craintes sur des probabilités. Et avec un esprit si préoccupé, préoccupé par la contemplation d'un mal bien réel et naturel, la solitude de sa situation, l'obscurité de sa chambre, l'antiquité de l'édifice furent ressentis et appréhendés sans la moindre émotion. Et bien que le vent fût fort et produisît souvent des bruits étranges et soudains dans toute la maison, elle entendit tout cela pendant qu'elle restait éveillée, heure après heure, sans la moindre curiosité ni terreur. Et donc, on la voit refermer le chapitre du gothique, c'est-à-dire celui des émotions ludiques, en quelque sorte, le thrill, comme disent les Anglais, et on la voit basculer dans un gothique beaucoup plus réel. Hein. Jane Austen écrit « La contemplation d'un mal bien réel et naturel », avec une très jolie allitération en anglais, hein, « Actual and natural evil ». Une merveilleuse phrase, et son anxiété était fondée sur le réel. Hein. Her anxiety had foundation in fact. Et donc, je crois que c'est vraiment ça l'objectif de Northanger Abbey, c'est de refuser l'échappatoire du gothique de littérature pour aller chercher les vrais questionnements dans les faits de ce qui se passe dans l'Angleterre contemporaine de Jane Austen. Et c'est vraiment à ce titre un roman extrêmement critique. C'est ça, on parle de la dimension critique. Et alors en français, on perd la force de la littérature, mais on gagne la force de la polysémie parce que le mal qu'il faut craindre s'écrit de différentes façons. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors c'est amusant parce que Northanger Abbey, évidemment, là, l'extrait qu'on a entendu et tout le passage en question, c'est très Harry Potter. Ouais. Y a d'ailleurs une réécriture de Northanger Abbey comme un roman pour adolescents qui a été commandé par J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, à un autre écrivain écossais, Val McDermid, et c'est devenu un best-seller pour adolescents sous le titre de Northanger Abbey, mais où on ne garde que la partie fantôme, ouais. Porte qui grince, etc. Il faut quand même le dire, on n'a peut-être pas assez insisté là-dessus, que Catherine passe son temps à lire dans le roman et que oui. Les gens n'arrêtent pas de lui dire, mais en fait, c'est dangereux pour une jeune fille de lire autant. Oui, alors effectivement, il y a ce discours-là, et en même temps, Jane Austen en profite pour tirer son chapeau à un certain nombre d'auteurs qu'elle aime beaucoup, comme Anne Radcliffe, comme Fanny Burney, où justement elle dit que bon, c'est des romans magnifiques, mais qu'il ne faut pas confondre la réalité et la fiction. Par contre, on peut se servir de la fiction pour observer la réalité, et c'est ce qu'elle va proposer dans ses romans suivants. Et alors, on va entendre un texte, un autre type de scène. On est bien loin du manoir hanté et même des scènes de bal. On est à la campagne, puisque on est à Bath, donc c'est entouré d'une campagne très pittoresque. Et donc, vous parliez de cette scène de viol symbolique, on va dire, hein, pas réelle, en tout cas pas dans le roman. Cette domination, cette violence de l'homme exercée sur la femme, on la trouve dans d'autres registres, y compris au cours d'une promenade, lorsqu'il est simplement question de paysage. Et écoutez comment la narratrice va d'un côté décrire comment Catherine perçoit ce ciel bleu, bah c'est le signe du beau temps, et comment Henry, aux côtés de qui elle se promène, va lui expliquer que non, le ciel bleu, justement, c'est l'ingrédient parfait pour un très beau tableau. Alors, Catherine, qu'en dites-vous ? Oh, c'est magnifique. Ça me rappelle le sud de la France, le Languedoc, vous ne trouvez pas ? C'est vrai. Alors, vous avez visité la France ? Non. D'ailleurs, je n'ai jamais voyagé. Mais j'ai vu des tableaux et j'ai lu les longues descriptions de Madame Radcliffe dans Udolf. Ah, Madame Radcliffe. Oui, je suppose que vous ne lisez pas de romans. I read Udolf straight through in 2 days with my hair standing up on end the whole time. I often think there's more life and truth and feeling in a good novel than in 100 dull sermons. Do you really believe that? Oh, go on, don't wait for me. Les Tilney contemplaient le paysage qu'ils avaient devant eux avec le regard de gens habitués à dessiner. Et avec tout l'enthousiasme de personnes de goût, ils évaluaient sa capacité à être représentée dans un tableau. Dans ce domaine, Catherine était complètement perdue. Elle ignorait tout du dessin, tout des règles du goût. Elle les écoutait avec une attention qui ne lui servait pas à grand-chose, car ils employaient des termes qui n'avaient guère de sens pour elle. Le peu qu'elle parvint à saisir lui sembla cependant contredire les très rares notions qu'elle avait sur le sujet. Il semblait qu'on ne dût plus peindre une jolie vue du haut d'une colline élevée et qu'un ciel bleu bien clair ne fût plus la marque d'une journée de beau temps. Elle avait sincèrement honte de son ignorance. Elle avait bien tort. Quand on désire plaire, on devrait toujours être ignorant. Si l'on montre trop de connaissances, on est incapable de flatter la vanité d'autrui. C'est justement ce qu'on souhaite toujours éviter lorsqu'on a un peu de bon sens. Une femme, surtout, si elle a le malheur de disposer d'un certain savoir, devrait autant que possible le dissimuler. Catherine ne savait pas qu'une belle jeune fille, dotée d'un cœur affectueux et d'un esprit parfaitement inculte, ne saurait manquer d'attirer un jeune homme intelligent, à moins que les circonstances lui soient particulièrement défavorables. En l'occurrence, elle avoua son ignorance pour la déplorer. Elle déclara qu'elle donnerait tout au monde pour savoir dessiner. Elle eut aussitôt droit à une conférence sur le pittoresque. Les explications que lui donna Henry Tilney étaient si claires qu'elle commença bientôt à voir de la beauté dans tout ce qu'elle admirait. Elle l'écouta avec une attention si passionnée qu'il ne tarda pas à être parfaitement convaincu qu'elle avait naturellement beaucoup de goût. Il lui parla des premiers plans, de lointains, de second plans, de décors en coulisses et de perspectives, d'ombre et de lumière. Ses débuts étaient tellement prometteurs que lorsqu'ils arrivèrent au sommet de Beechen Cliff, Catherine rejeta d'elle-même toute la ville de Bass comme indigne de figurer dans un paysage. Les chemins de la philosophie, France Culture, Adèle Van Rett. Et thank God, Henry est là pour nous apprendre les règles du bon goût, Frédéric Auger. Alors le bon goût, c'est quand même, j'allais dire, à la mode à l'époque en Angleterre au XVIIIe siècle, non ? Enfin, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup d'écrivains et d'intellectuels. Oui, le bon goût, le bon au sens de trouver le « the right one », celui qui convient, le juste goût en fait, oui c'est ça. Là, cette scène est magnifique là encore, déjà dans sa construction narrative, puisque le passage est descriptif et est vu de l'intérieur de l'esprit de Catherine, jusqu'à ce moment où elle dit « elle avait sincèrement honte de son ignorance ». Et la phrase suivante commence également par « elle », mais ça n'est plus Catherine qui parle, c'est Jane Austen qui vient sur le devant de la scène, ce qui arrive rarement dans ce roman. On la voit arriver et elle dit « elle avait bien tort ». Évidemment, ça ne peut être que Jane Austen qui dit ça. Et ensuite, il y a ce couplet assez incroyable où Jane Austen dit « une jeune fille devrait faire la sotte, en quelque sorte ». Quand on désire plaire, on devrait toujours être ignorant. Pour flatter la vanité des hommes et s'assurer leur intérêt pour soi, puisque en fait, là encore, les femmes sont tellement dépendantes de l'intérêt des hommes, le mariage est le but ultime de l'existence pour une jeune fille, et donc il faut attirer le bon homme avec le bon goût. Alors c'est intéressant parce que la scène porte donc sur une sorte de lecture du paysage, et on sait l'importance de la nature dans la culture, l'histoire des idées anglaises au XVIIIe siècle, et ce goût pour les jardins anglais, et qui passe d'abord par des jardins assez dessinés, puis ensuite de moins en moins dessinés, qui se transforment en parcs, et ensuite c'est quasiment toute la nature qui devient paysage intéressant à regarder. Sauf que, pour pouvoir avoir du goût, il faut avoir un certain nombre de critères esthétiques qui vous permettent de décider que tel paysage est beau et tel autre est inintéressant. Et donc, on a vu émerger dans les trois dernières décennies du XVIIIe siècle une nouvelle théorie esthétique qui s'appelle le picturesque, c'est-à-dire qui veut dire « picture », c'est un tableau. Hein, et donc, un paysage est picturesque quand ça mériterait d'en faire un tableau. Et on a d'ailleurs cette allusion très claire dans le début du texte qu'on vient d'entendre. Ils évaluaient sa capacité à être représentée dans un tableau. Alors capacité, c'est une allusion à l'un des grands paysagistes anglais qui est Capability Brown. Hein, Capability, c'était son surnom parce que c'était un paysagiste qui arrivait dans les propriétés des gens et qui leur disait, qui évaluait la capacité du lieu à être transformé en quelque chose de beau. Et donc, on l'a baptisé comme ça. Et on l'a surnommé Capability Brown, Lancelot Capability Brown, merveilleux paysagiste, et l'un des premiers à non pas arriver avec ses croquis et ses dessins et dire « bon, là, on rase tout et on met ce que je veux mettre », type Volvicomte, hein, c'est-à-dire on éradique ce qui est là, on repousse la nature sauvage sur les côtés et on met un plan tout à fait dessiné par l'homme et l'architecture. Non, là au contraire, il venait, il passait du temps dans la propriété et il indiquait comment on pourrait améliorer la propriété pour qu'elle se fasse naturelle. Bon, bref, le picturesque a donné lieu à toutes sortes de publications, une sorte de véritable inflation de traités du picturesque qui sont très amusants à lire aujourd'hui parce que chacun y va de sa définition et évidemment par définition, puisque c'est une histoire de goût, personne n'est d'accord. Les gens cultivés possèdent un vocabulaire qui leur permet de décider si tel ou tel paysage est joli ou pas. D'ailleurs, je suis sûr que vous-même, Adèle, vous avez fait ça quand vous allez voyager. Il y a certains moments où vous vous arrêtez, vous sortez votre téléphone et vous faites une photo. Jamais, cadrez, je dessine, vous pensez bien. Vous savez dessiner, vous, c'est pas comme Catherine. Ça. Mais bref, on fait tous des pictures, hein, on fait tous des photos. Même mental, hein, d'ailleurs. Même mental. On saisit, on cadre quelque chose dont on pense que c'est intéressant. Bon, bref, Catherine, là, clairement, elle n'a pas les codes et donc elle ne comprend rien à ce qu'il raconte et elle se tait. Et la conversation des Tilney se met en arrière-plan et c'est Jane Austen qui prend la parole et qui dit ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et puis, re-zoom avant, on revient à la conversation et là, Catherine dit, ben moi j'y connais rien, mais apprenez-moi les termes, etc. Et donc elle apprend les termes et à la fin, elle triomphe, elle montre qu'elle a du bon goût parce que, en fait, elle est maintenant capable de décider que quand il fait beau ou quand un paysage est magnifique, en fait, c'est pas du tout ça qui est intéressant. Il faut d'autres choses, il faut des critères, il faut des arrière-plans, des coulisses, des perspectives. Et donc, en fait, de façon assez perverse, Henry Tilney est en train de modifier, de gauchir son goût naturel vers quelque chose de plus culturel qui va lui donner des lunettes pour décider ce qui est un paysage magnifique. Et le passage qu'on a lu est extraordinaire puisqu'ils arrivent en haut de la colline qui est une des plus belles perspectives sur la ville de Bath. Et là, elle dit, ah ben oui, clairement, ça, c'est pas du tout beau. En regardant Bath. Et donc, on voit bien l'ironie de Jane Austen qui s'introduit là et qui, là encore, critique un petit peu ce discours dominant de l'homme qui lui a donné une leçon et qui ne s'intéresse absolument pas à ce qu'elle pourrait, elle, penser naturellement, mais qui lui donne les codes pour rentrer dans la bonne société et le bon goût. Oui, mais ce qui est fou, c'est que Jane Austen, à aucun moment, ne laisse une chance au lecteur d'être du côté de Catherine, parce qu'elle insiste tellement sur la nullité, la stupidité de Catherine, en disant vraiment, elle n'a rien compris, et heureusement, elle apprend très vite grâce à Henry, qu'à aucun moment, on se dit, mais attendez, en fait, peut-être que Catherine, elle-même, a un goût qui équivaut à celui de Henry. Oui, mais il y a des coupes dans la traduction, et il y a quand même des petites allusions entre les lignes, où Jane Austen dit, au moment où Catherine se pose des questions, en se disant, je suis vraiment une sotte, je n'y connais rien, moi, je pensais que quand il faisait beau, que le ciel était bleu et que le paysage était magnifique, c'était vraiment chouette, quoi. Juste une belle journée. Juste une belle journée, un beau paysage que j'aime, moi. Je serais incapable de dire pourquoi, mais j'aime ça. Si elle avait eu un téléphone portable, elle aurait fait une photo de ça. Et en fait, on lui dit, mais non, c'est pas du tout ça qui est beau. Et c'est là que ça devient évidemment problématique. Et je pense quand même que le lecteur goûte l'ironie du passage. Oui. Alors, évidemment, elle est profondément amoureuse et admirative de cet homme. Donc, elle a envie d'épouser, littéralement, ses vues sur le monde. Et c'est ce qu'elle fait métaphoriquement ici. Donc, on ne peut pas lui reprocher d'être amoureuse et de vouloir épouser les vues du jeune homme qui lui plaît. Mais en même temps, il y a quelque chose d'un peu pervers dans ce gauchissement du goût par des critères théoriques, abstraits, Oui, mais alors, autre objection, et là je me fais vraiment l'avocat du diable, il y a quand même, c'est ce que je disais à l'époque, il y a beaucoup de traités de philosophie sur le goût, les règles du goût, etc. Il ne s'agit pas de jeter complètement toutes ces réflexions autour du goût pour magnifier le bon goût naturel. Bien sûr, mais deux choses. On nous a dit dans la première page du roman qu'on a lu tout à l'heure, que Catherine aimait surtout les jeux de garçons et elle aimait surtout descendre la colline en faisant des galipettes et se rouler dans l'herbe. Catherine, elle a un rapport naturel à la nature, direct, non médiatisé. Et finalement, ce que Jane Austen met en critique ici, critique au sens ancien du terme, en crise, c'est finalement ces deux façons de regarder la nature, l'une qui est culturelle et l'autre qui est naturelle. Et je crois qu'elle ne prend pas forcément parti, car Jane Austen avait lu tous les textes que vous évoquiez à l'instant, mais vous parliez tout à l'heure de mansplaining, hein, de m'explication. N'oublions pas qu'un de ses prochains romans s'appelle Mansfield Park, c'est-à-dire le parc du territoire de l'homme. Et ici, à nouveau, on voit que le regard de Henry Tilney possède ce paysage avec son attirail rhétorique et esthétique. Et il s'approprie le paysage et il propose à Catherine de s'associer à ça. Mais clairement, il est dans une position dominante qui n'est pas seulement la topographie de la colline qui domine la ville de Bath, mais c'est vraiment la perspective de l'homme qui domine la nature. Et je crois que Jane Austen, là encore, engage une réflexion intéressante là-dessus, qu'on retrouvera dans Mansfield Park. Il y a des scènes de jardin, justement, qui sont très intéressantes. Ça veut dire que la fin du roman, l'ultime mariage, est c'est une défaite pour Jane Austen ? Tous les romans se terminent par des mariages. Oui. Le paradoxe, c'est que, bon, ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants. They lived happily ever after. Le bonheur éternel grâce au mariage. Le problème, c'est que tous les couples mariés dans les romans de Jane Austen sont assez épouvantables. Oui. Et donc, on a du mal à croire que ce soit l'idéal social, ce mariage. Pour autant, de tous les romans de Jane Austen, c'est peut-être celui-ci dans lequel le mariage est le plus crédible, parce que je crois réellement que Catherine aime Henry Tilney et que c'est pas forcément le plus mauvais des bougres. Est-ce que Henry aime Catherine ? Ça, c'est une bonne question. Je ne suis pas certain que ça l'intéresse beaucoup. Peut-être qu'il la trompera abondamment après, mais ça, on n'en sait rien. Est-ce qu'il y a un lien entre ce roman et Léo de Hurlevent d'Emily Brontë ? Difficile à dire. Difficile à dire. Il y a forcément des résonances sur justement ce rapport à la nature sauvage et cette violence des rapports hommes-femmes. Après, il faudrait repartir des Hauts de Hurlevent et de cette littérature-là pour avoir un regard rétrospectif et voir si ça s'enracine dans la fiction de Jane Austen. C'est possible, hein, mais c'est une question difficile quand même. Merci beaucoup Frédéric Auger d'être venu ce matin. Merci vous parler Adèle de Northanger Abbey. On mettra votre bibliographie sur le site des Chemins de la Philosophie et on se quitte avec un clin d'œil avec Léo de Hurlevent d'Emily Brontë. Transition toute trouvée, c'est la version gothique chantée sur France Culture et les Chemins de la Philosophie par Céline Dion. When the wind was so cold that my body froze in bed, if I just listened to it right outside the window. There were days when the sun was so cruel that all the tears turned to dust, and I just knew my eyes were drying up forever. I finished crying in the instant that you left, and I can't remember where or when or how. And I banished every memory you and I had ever made. But when you touch me like this, and you hold me like that, I just have to admit that it's all coming back to me. When I touch you like this and I hold you like that, it's so hard to believe, but it's all coming back to me. It's all coming back, it's all coming back to me now. There were moments of gold and there were flashes of light. There were things I'd never do again, but then they'd always seem to right. There were nights of endless pleasure. It was more than any loss in love. montée pour accueillir Frédéric Worms sur France Culture, les chemins de la philosophie et sa chronique quotidienne, le pourquoi du comment. Pourquoi a-t-on besoin d'une philosophie de la médecine ? La médecine semble être un objet essentiel dans la vie humaine et aucune philosophie ne s'est désintéressée de la médecine, bien évidemment. Il y a même eu des philosophies qui se sont pensées elles-mêmes comme des médecines, comme des thérapies de l'âme, par exemple, dans la philosophie antique, comme du soin de nous-mêmes, comme un prolongement de la médecine sur l'âme humaine. Mais cela doit nous orienter vers un problème peut-être plus profond, à savoir que la philosophie de la médecine peut s'envisager non pas seulement comme une philosophie qui parle de la médecine, mais comme une philosophie qui prend la médecine. Oui, la médecine au sens le plus littéral du mot, c'est-à-dire cette technique humaine et interhumaine qui lutte contre la maladie et qui vise à produire la santé individuelle et collective, cette médecine finalement, non pas comme un objet parmi d'autres, mais comme le principe possible de toute la philosophie dans ses aspects éthiques, politiques, mais aussi peut-être métaphysiques et épistémologiques, comprendre ce qu'il en est de l'être humain et de sa connaissance dans son ensemble. En ce sens, parler de philosophie de la médecine, c'est comme on parlait autrefois de philosophie de l'histoire ou de philosophie du langage. On disait les philosophies de l'histoire, ce sont les philosophies qui expliquent tout par l'histoire, pour qui l'histoire n'est pas un aspect parmi d'autres de la vie humaine, parce que tout dans la vie humaine est historique. Eh bien, aujourd'hui, nous avons peut-être besoin d'une philosophie de la médecine en ce sens. Une philosophie de la médecine qui nous montre d'abord que l'expérience de la maladie corporelle, mais aussi psychique, individuelle, mais aussi publique, n'est pas une expérience parmi d'autres. C'est ce qui nous ramène à notre condition de vivant. C'est ce qui est à l'origine de nos instruments et de nos sociétés. C'est ce qui doit aussi orienter nos relations humaines et politiques. La philosophie de la médecine, en ce sens-là, est assez rare dans l'histoire de la philosophie. Peut-être qu'elle court depuis les philosophies de la vie antique, même l'épicurisme, par exemple, qui vise à lutter d'abord contre la douleur, jusqu'au XXe siècle, la philosophie en France, par exemple, de Georges Canguilhem. Mais ce qui est rare aussi, même chez quelqu'un comme Canguilhem, et c'est la source de sa critique ultérieure par son disciple Michel Foucault, c'est d'étendre la philosophie de la médecine à l'éthique et à la politique elle-même. De voir dans la médecine un risque aussi interhumain, peut-être d'abord une relation entre les humains, avant d'y voir une relation entre les humains et le monde. La tentation, c'est de voir dans le médecin un docteur. Un docteur, c'est un savant, comme le mot même l'indique. C'est quelqu'un qui connaît le fonctionnement de nos corps. Mais un médecin, c'est quelqu'un qui est dans une relation avec le malade, une relation qu'il ne faut pas idéaliser. Et Foucault avait raison de se moquer de cette idéalisation spontanée. Une relation qui peut devenir une relation de pouvoir, une relation qui passe nécessairement par son institution et qui appelle aussi à être constamment ramenée à son origine et à sa finalité. Et puis, il y a aussi la dimension véritablement de la santé publique. La manière dont la santé est une chose très, trop sérieuse aussi pour être réservée au seul médecin, car la santé dépend aussi de nos vies individuelles, de la manière dont nous prenons soin les uns des autres. Elle dépend de nos conditions de travail, de l'environnement dans son ensemble. Et finalement, la médecine est une partie d'un ensemble qui est la préservation de la santé humaine par les institutions humaines dans leur ensemble. Donc oui, nous avons besoin d'une philosophie de la médecine comme philosophie première. Merci beaucoup Frédéric Worms, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des chemins de la philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier avec Manon de la Selle, Thaïs Éloi Hammer, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette émission, Camille Lamache à la lecture des textes, Anthony Thomasson à la prise de son. Merci à Jacob Auger qui est avec nous ce matin, qui vous a accompagné Frédéric Auger parce qu'il y a 10 ans, vous étiez venu faire une émission et ensuite votre fils était venu faire un stage de 3e. Vous êtes donc revenu avec lui et c'est un grand bonheur de vous revoir tous les deux. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de Jane Austen, 4 romans et beaucoup de mariages, vous le verrez, demain on parlera d'Emma. On se demandera justement si c'est pas un plaidoyer pour le célibat. Nous serons en compagnie de Dominique Barberis. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission, la télécharger, la podcaster. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.